Bien, bonjour. Donc, j'ai beaucoup de points communs avec Désolé. Je crois que je suis un agent double, profondément. D'abord parce que je suis juriste et que le juriste, il a deux postures. Hein. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle comme de la science du droit. On a un discours sur le droit qui se rapproche de la science sociale, mais aussi on fait le droit. Quand moi, je parle, je suis la doctrine et je participe à la construction du droit. Ce qui m'évite de m'acoquiner avec des anglo-saxons, puisque j'ai qu'à parler avec moi-même, au fond. C'est quand même plus simple. Alors, ce que j'aimerais, c'est poser plein de questions Désolé, mais bon, je suis quand même obligé de parler un petit peu de la spécificité des juristes dans cette question de la mondialisation. J'aimerais qu'on fasse un voyage ensemble, qui est aussi un voyage personnel. J'aimerais qu'on aille en RDC, en République démocratique du Congo, et que l'on aille plus particulièrement dans le nord-est, en Ituri, sur le bord du lac Albert, dans le nord précisément, hein, très précisément, le nord-ouest du lac Albert. Bon. On a l'Ouganda, mais on a l'énorme et l'un des plus riches pays au monde minier, la RDC, puis tout autour, les 9 pays autour sont très pauvres, c'est une aberration géologique. Pourquoi faire ce voyage ensemble? Bien sûr, c'est l'idée de source de la mondialisation. Pour nous, juristes, une source, c'est quelque chose de très précis. C'est une métaphore cicéronienne, hein. Les sources du droit, dans De Legibus, c'est extraordinaire parce que c'est là que apparaît le droit. Ça apparaît d'où? Ben, de sous le sol. Donc, à l'origine même de la pensée occidentale du droit, se pose la question du territoire. Et nécessairement, le droit est enraciné dans le territoire. Ce qui pose un énorme problème, dès qu'on est, bien évidemment, c'est le problème de la mondialisation, que, bien évidemment, le droit n'est plus enraciné dans le territoire. Et comment, nous, juristes, peut-on penser cette aberration? Et moi, ce que j'aimerais qu'on voit, et ça, c'est mon champ à moi, c'est que la mondialisation du droit, dans cet espace-là, est complètement opposée à cette conception traditionnelle des juristes. Donc, énorme problème méthodologique pour nous, comment penser la mondialisation? Parce que ce qu'on va voir, c'est que ben, dans cet espace localisé en RDC, eh bien, les juristes peuvent choisir des lois qui sont, au fond, des lois du monde entier. Ils peuvent faire comme ils veulent, un véritable puzzle. Et en fait, ils vont se localiser eux-mêmes et, ce faisant, localiser des lois nationales. Donc, il y a un renversement total de la conception traditionnelle du droit. Alors, c'est le droit lui-même qui l'organise, hein. Rien de frauduleux, on va voir si c'est frauduleux, mais rien de vraiment frauduleux là-dedans, c'est le droit qui le permet, ce qu'on appelle le principe d'autonomie. Hein, dans le monde du commerce international, les marchands, les transnationales ont le droit de choisir le droit applicable à leurs relations contractuelles, les clauses de choix des droits. C'est un principe fondamental du droit international privé. Bon, on va voir qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, bon, cette idée aussi comment dire, alors, cette idée, alors pourquoi aller en RDC? Bon, aussi pour une autre raison, c'est que il se passe quelque chose en RDC. Hein. Je pense que la mondialisation économique et juridique est en train de basculer justement sur ce pivot. On va voir des grands contrats internationaux, les plus importants au monde, c'est les contrats miniers, qui étaient plutôt anglo-saxons, qui deviennent asiatiques. Et moi, je m'intéresse à ce modèle-là. Pourquoi? Parce que, y a une évolution dans les contrats internationaux. Et je prends ces contrats internationaux. Moi, je vais vous présenter seulement la tradition de plutôt anglo-saxonne qui se fait minière en Afrique. Et je les compare, je ne vous le verrai pas aujourd'hui, avec les nouveaux contrats internationaux miniers en Afrique chinois. Essayez de voir la différence. C'est assez intéressant. Il y a un autre aspect qui me semble extrêmement intéressant dans cette histoire-là, autre que voir comment se bouleverse la mondialisation juridique, c'est que, on est là dans la zone de conflit la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, 95-2000, 9 millions de morts, seulement parmi les populations civiles. Les 9 pays autour de la RDC se font la guerre sur le territoire de la RDC, directement ou indirectement. Les plus grands massacres, probablement depuis la guerre. Ça continue encore cet été, encore en Ituri, là où il y a, on va aller. Hein, on est en train de s'assassiner. La géopolitique explique cette guerre par ce qu'on appelle justement le modèle de la prédation, c'est-à-dire que ce sont ces grands contrats, ce sont ces mines qui sont à l'origine de ces plus grands massacres. Donc il y a une dimension quasi mondiale, hein, qui me semble très, très, très très important pour cette histoire. Et puis enfin, j'y vais parce que bon, mon histoire personnelle, parce que tout est dans la recherche d'une histoire personnelle, c'est 2004 pour des raisons d'engagement, comment on appelle ça, politique peut-être, m'ont amené à travailler pour l'Union européenne dans les droits fondamentaux dans ces zones-là, et que bon, j'ai été pris par cette question-là. Alors, cette question des sources, bien évidemment, elle est aussi réflexive, c'est-à-dire que les sources, c'est aussi donc, on voit bien que cette notion cicéronienne de source du droit, c'est comme toute théorie, c'est comme toute, il y a toute une pensée juridique occidentale derrière, qui se focalise autour de la question de la localisation. Dans notre tradition occidentale, donc, au fond, donc, le droit est localisé territorialement, ce qui pose un problème, et on va voir qu'il y a une dimension politique derrière très très forte. Et je prends par exemple un article d'Alain Supiot qui s'appelait « La localisation des lois » dans la revue Esprit il y a 3 ans, et qui est extrêmement critique sur la mondialisation, qu'il ne connaît pas, c'est un professeur de droit et travail français, donc il n'a aucune connaissance de ça. Et il prenait un point de vue qui était au fond celui de Carl Schmitt, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur cette tradition du droit occidental qui fait naître le droit, non pas d'une source cicéronienne, mais simplement de cette violence qui sépare l'étranger du national. Bon, c'est quand même assez surprenant, mais voilà ces catégories qui construisent, nous, notre pensée. Ce qui veut dire que moi, il a fallu que je fasse un pas de côté pour essayer de faire, reprendre l'expression, une déconstruction de ma science juridique, pour échapper à ce qu'elle avait d'un peu nauséeux, et puis aussi échapper tout simplement à ces contraintes qui m'empêchent de penser mon objet. Alors comment je l'ai fait ? Ben, je l'ai fait en faisant un pas de côté, qui est celui d'une démarche, moi j'appelle praxéologique, c'est-à-dire une démarche qui s'appuie sur les pratiques. Bon. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a un point de commun avec les sociologues possibles, et j'ai aussi voulu avoir une approche qui n'était, après avoir une, mon dernier bouquin était plutôt nature philosophique, une approche plutôt de suspension de la théorie. Je pense que ça, c'est assez important de revenir à un certain nombre de façons de travailler sur cet objet qui est droit, qui peut, je crois, là, interroger les sociologues. Alors, ce qui aussi est un voyage, on va le voir à travers exactement ce qu'évoquait Yves Desallès, c'est-à-dire que, bon, moi, je vais essayer de repenser mon objet en abandonnant, par exemple, mes catégories européennes. On va voir qu'un contrat se découpe selon des objets. Il y a de l'arbitrage, il y a du droit de la loi, c'est-à-dire du droit du contentieux, il y a du droit des sociétés, tout ça. Bon, il faut faire un petit... Et on va s'intéresser seulement aux pratiques des loyos, aux pratiques de ces petits groupes de gens qui vont construire ces grands contrats. On se réunit, on bosse ensemble, et on va voir, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le droit dans les livres. Donc, voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on va examiner ? Ben, je pense qu'on va prendre un contrat. Le contrat de partage de production entre la République démocratique du Congo et un consortium, le consortium Divi d'Inspiration. Pourquoi ? Parce que c'est donc le contrat qui porte sur le bloc 1, qui est un des plus riches pétroliers de RDC. C'est un contrat dont on peut avoir accès, parce qu'il y a eu des fuites. Normalement, il devrait être publié, puisque la RDC est membre de l'initiative sur la transparence, mais bien sûr, ils ne sont pas publiés. Ce contrat a été publié, ce qui me permet de vous en parler, problème de secret des affaires, c'est très important, ça. Et en plus, c'est un contrat qui est disputé, parce que, en fait, la RDC, en 2006, a fait un contrat quasiment identique avec 2 autres sociétés, société Tullo, etc. Et en 2010, en fait, la RDC a attribué la même concession à 2 autres sociétés sud-africaines. Donc tout ça, il y a une certaine incertitude qui me permet de vous en parler. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ces contrats sont quasiment... Je n'ai pas vu le dernier, mais j'ai vu les 2 premiers attentivement. J'ai mon savoir de juriste. Ces contrats sont quasiment identiques Et en fait, ils expriment, ils reflètent une pratique des contrats internationaux, particulièrement miniers, souvent africains, mais bon, c'est vraiment des contrats, pas types, mais typiques, on va dire. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est essayer dans une première phase de présenter ces contrats, c'est de voir un peu que c'est là, et puis deuxième phase, comment ben, j'ai essayé de reconstruire une analyse de ces contrats, ce que j'appelle la notion d'espace normatif, qui emprunte la sociologie, qui emprunte la philosophie de l'esprit, qui emprunte quand même un certain nombre de catégories juridiques, cette notion un petit peu alternative à la notion d'ordre juridique. Alors, présentation du contrat. Mon objet. Ça, vous avez le plan, la table des matières, hein, c'est la page 2 de ce contrat. Il n'est pas énorme, hein, il fait une soixantaine de pages avec les annexes, ce qui est assez peu pour un tel contrat. Il a été rédigé par un avocat maître d'un pool anglo-saxon, première version en anglaise, traduit en français, la version française vaut. Comment on peut aborder ça? Ben ça, je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme un grand fait et il faut essayer de ne pas le voir à travers nos yeux de juriste qui toujours le découpent en fonction de leur savoir construit en Europe il y a 1000 ans. Hein, parce que ce n'est pas ce que font les lawyers. Donc déjà, En revanche, on peut essayer de voir pas à pas entrer dans ce contrat. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit première partie, définition, objet, etc. C'est des choses qui sont liées. Qui sont les parties, hein, au fond? C'est très, très important, ça. Qui sont les parties, quand même? Et après, c'est obligation. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est engagé par ces obligations? Et après, il y a toute une partie, vers la fin, ce qu'on appelle les boilerplates, c'est-à-dire, au fond, les clauses d'usage. Et là, qu'on trouve dans tous les contrats au monde, internationaux, et c'est plutôt le renvoi des ordres juridiques nationaux. C'est ça la clé de l'histoire, c'est un contrat international, renvoi des ordres juridiques nationaux. Il n'y a rien d'international, le contrat international. Et donc, au fond, on a des choses relatives à la loi applicable au contrat, et in fine, on a des dispositions sur comment on résout un litige international. C'est-à-dire quel juge va, et comment, est-ce qu'il va trancher le litige. Oui. Au fond, on va essayer de séparer les deux grands blocs, hein, ce qui concerne d'abord les parties au contrat, les obligations, puis deuxième moment, comment ce contrat se rattache aux ordres juridiques nationaux. Puisque comme il n'y a pas d'ordre international, vous savez, c'est une blague, il faut bien, quand il y a un litige et un contrat international, se rattacher à un ordre national. Alors d'abord, les parties. Alors ça, c'est quand même très, très, très important, c'est le début du contrat. Vous avez ce qu'on appelle le récital, c'est-à-dire une histoire. Voilà, on s'est rencontrés, on s'est plu. Bon, ça commence par ça, le contrat. Hein. Comment on a réussi à se fiancer Bon, je ne vous raconte pas, là, c'est un peu absurde, mais après, il y a des choses très, très importantes. C'est la signature, c'est l'identification des parties. Alors, between, et puis après, il y a la page de signature. Puis une chose très importante, c'est est-ce qu'il y a un mandat par l'organe, c'est-à-dire les statuts de la société, ou un power of attorney, etc. Bon, c'est un petit peu de la cuisine de juriste, mais on va voir que c'est assez important. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous, on va voir une des premières techniques de localisation d'un contrat international dans l'ordre mondial, et donc de localisation des lois. De quoi s'agit-il? Lorsque vous regardez la page signature entre qui et qui, une chose extrêmement importante, c'est de savoir quelle est la personne qui signe et où il est incorporé, où il a son siège social. Pourquoi? Parce que c'est un principe fondamental de droit international des sociétés, c'est que la loi applicable à la société, c'est la loi de son incorporation. D'accord? Donc au fond, dès ce moment-là, on s'aperçoit que les parties à un contrat vont localiser dans le monde le contrat pour que s'applique le droit de tel ou tel pays. Alors, ce qu'on appelle donc le law shopping, c'est-à-dire le fait de s'incorporer dans tel ou tel État pour choisir la loi applicable, c'est une des premières et probablement une des plus importantes techniques de choix de la loi qui n'est pas analysée comme ça traditionnellement pour les juristes. Qui le réserve d'un côté droit des sociétés. Bon, choix de la loi, c'est la choix de la loi, le DIP, etc. Bon. Alors, on va juste essayer de voir deux aspects. Premier aspect, quand vous regardez un peu plus précisément, je vous l'ai mis par écrit, qui a signé ? Ben d'abord, tiens, étonnant, vous avez la République démocratique du Congo. Elle-même, bon, elle aurait pu faire signer par la GECAMINE qui gère les mines. C'est pas le cas. Intéressant. Après, du côté des entreprises privées, vous avez qui ? Vous avez un consortium, le consortium Divine Inspiration Group, qui est incorporé en Afrique du Sud. Donc, under the law, companionable by the South African. D'accord ? Alors, c'est intéressant parce que quand vous regardez, en fait, c'est qui ce consortium ? Ben, vous avez notamment une banque anglaise. D'accord ? Donc, on a une localisation d'une partie en Afrique du Sud. C'est donc une filiale, c'est d'ailleurs un consortium, comme son nom l'indique. Deux parties diverses, je vous passe les liens entre cette société. Mais on a une localisation donc en Afrique du Sud, alors qu'on pourrait avoir une société mère à Londres. Alors, on va un tout petit peu plus loin maintenant. C'est H Oil Congo LTD. Alors, on se trouve que celle-ci, elle est domiciliée où ? À Tortola. Alors, là, on est donc aux îles Vierges. Hein, c'est l'entreprise qui a le plus de chair, hein, quand même, dans l'histoire. On a une entreprise qui est localisée dans l'île Vierge, ce qui veut dire que donc on a une partie qui est sous les lois de l'île Vierge. Après, vous avez Congo Petroleum and Gas, qui est incorporé à Kinshasa, et vous avez Petrol Sud Oil. Alors, quelle est la signification de cette incorporation ? La première signification. La première signification, c'est que les transnationales créent des filiales, les incorporent, de façon à échapper à ce qui est pourtant une des règles les plus fondamentales du droit, paraît-il, la responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en cas d'inexécution de contrat, de responsabilité des sociétés mères, à cause de cette incorporation. Ah oui, tiens, en droit de common law, il y a ce qu'on appelle des théories « piercing the corporate veil », la théorie de l'agency, même maintenant une nouvelle théorie « duty of care » dans ces aspects de droit. Mais que ce soit en common law ou en droit français, ces théories jurisprudentielles ne permettront jamais la mise en jeu de la responsabilité des sociétés mères. On a bien là une localisation, l'utilisation de droit national par des transnationales pour régir quoi ? Un contrat qui s'exécute localement. Hein, on est en RDC. Tout ça va avoir une application locale en RDC dans des relations économiques. On construit des pipelines et on vend du pétrole. Hein, d'accord. Deuxième, alors si vous voulez, ça c'est une technique qui est enseignée par moi-même d'ailleurs dans mes cours à mes étudiants. Et là, je vous donne simplement, mais c'est par exemple, j'utilise ces petits slides pour montrer à mes étudiants comment on fait. Je suis un agent double, hein, vous savez. Et c'est comment le groupe Bolloré fait pour faire des successions de sous-sociétés, subsidiaries, pour investir là au Cameroun dans des activités qui sont un petit peu problématiques. Alors. C'est vrai qu'on utilise beaucoup juristes, nous, pour apprendre notre métier, le travail de Total, hein, qui est maître en la matière. On ne va pas revenir sur, je pourrais vous montrer comment Total utilise donc les joint ventures, dont une partie est localisée dans un paradis fiscal. C'est un maître en la matière. Juste une petite chose, cette façon de construire donc les limites d'un groupe, donc des parties à un contrat, bien évidemment, ça a des finalités diverses. Vous voyez que lorsque on incorpore une société aux îles Vierges, ça va permettre quoi ? Aux îles Vierges, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. D'accord ? Aux îles Vierges, il n'y a pas non plus d'accès au registre des sociétés. On ne sait pas qui sont les actionnaires. D'accord ? Aux îles Vierges, il y a des actions en porteur. Bon, vous faites une joint venture, vous répondez à un appel d'offres international, une des sociétés qui répond à l'appel d'offres est incorporée aux îles Vierges, ce qui veut dire que vous allez donner 60% des titres aux porteurs au frère du président, Kabila par exemple, qui va donc devenir propriétaire d'une d'une exploitation minière par ce pétrole. Alors, il y a eu un rapport de la Banque mondiale, Puppet Master, qui décrit tout ça, comment, au fond, c'est une façon construire le périmètre d'un contrat avec des sociétés permet, au fond, de faire une totale une échappée ordre en dehors des ordres juridiques. Mais, en fait, il y a un rapport de 2011 qui montre que sur les 10 premières sociétés minières, ils ont 6000 subsidiaries, plus de 65% sont dans des paradis fiscaux. Ce qui veut dire que c'est la norme. C'est pas, ça n'a rien de contraire au droit, c'est le droit. Alors après, vous avez des dispositions relatives aux obligations entre les parties. Alors, c'est assez intéressant, mais on va prendre juste deux exemples. Il y a une clause qui dit que la responsabilité des parties ne sera engagée qu'en cas de faute intentionnelle. Ce qui ne veut rien dire. La faute intentionnelle, on ne sait pas trop ce que c'est en droit. Mais ce qui veut dire qu'au fond, l'inexécution du contrat ne sera pas sanctionnée. Sauf si on a volontairement interrompu le contrat, ce qui est quand même assez difficile. Alors c'est assez intéressant, parce que vous voyez que c'est la rédaction du contrat qui permet d'être la véritable loi du contrat, qui se substitue aux différents droits. Alors, après, si vous voulez, il y a des dispositions justement sur... Alors, il y a d'autres dispositions sur l'obligation contractuelle. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? C'est un contrat par lequel la RDC donne, au fond, le droit de forêt, concession. Les entreprises amènent de l'argent, leur savoir-faire, elles font de la prospection, puis ensuite de l'extraction, de la vente. Et qu'est-ce qui se passe? On partage les droits entre l'État, c'est-à-dire les profits entre l'État, d'une part, et d'autre part, entre les différentes sociétés. C'est un contrat donc, de partage de production. Alors, après, vous avez des dispositions dans le contrat qui concernent justement les lois. Quelles lois vont s'appliquer à ce contrat? En fait, il y en a quantité. Vous avez l'article 15, c'est de la soft law. C'est le principe de l'initiative sur la transparence des entreprises extractives qui a été créé par Tony Blair, mais c'est les ONG qui ont été à l'origine de cette histoire. On publie nos contrats, etc. Vous avez des dispositions sur le choix de la loi. Là, la loi applicable, c'est la loi de RDC. Mais on l'a vu que ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque les dispositions du contrat sont très largement contraires à la loi de RDC, mais c'est possible, il n'y a aucun problème pour ça. Vous avez aussi des clauses qui concernent, alors justement, le fait que la loi va être, c'est pas seulement la loi de RDC qui a été choisie, c'est la loi d'une certaine époque. C'est-à-dire que la RDC n'a plus le droit de modifier la loi applicable. Pourtant, c'est incroyable. En 2010, nouveau code de minier en RDC ne peut pas s'appliquer à ce contrat. Gel de la loi. Seules les dispositions plus favorables applicables à l'entreprise peuvent s'appliquer dans la loi. Donc c'est vraiment transformation du rapport de la loi. Il y a plein de dispositions relatives à l'arbitrage qui sont des dispositions de la loi. On dit l'arbitrage, ça va être CCI. Donc c'est les règles de la CCI qui vont s'appliquer à l'arbitrage. Il y a des règles qui disent aussi le site de l'arbitrage, ça va être Paris. Attention, ça veut dire que la loi française de l'arbitrage s'applique à l'arbitrage. Donc plein de dispositions comme ça. Il y a des dispositions qui sont aussi d'ordre public, c'est-à-dire que l'armée doit intervenir. Et il y a aussi un certain nombre de dispositions sur... Alors, la question qui se pose, c'est, en une minute, c'est comment rendre compte de tout ça? Comment rendre compte de tout ça? Moi, j'ai été obligé d'élaborer une notion qui s'appelle notion d'espace normatif, en essayant de dire, au fond, il faut reconstruire les activités juridiques, c'est-à-dire ce phénomène juridique, et j'ai essayé de distinguer trois axes d'analyse. Premier axe d'analyse, c'est les techniques. Moi, je suis un technicien, d'accord? Je suis dyslexique, j'ai un problème de mémoire, je peux vous assurer que je suis un bon technicien, d'accord? Parce que je sais faire, j'ai une technique, j'ai des techniques documentaires. Là, quelles sont nos techniques dans l'espace du contrat international? Ce sont toutes des techniques de choix de la loi. Dans le droit des sociétés, dans la rédaction des clauses, dans le choix de la loi, dans la question de l'arbitrage. à chaque fois, c'est un choix d'une loi extérieure. Après, il y a une deuxième étape d'analyse. L'étape d'analyse, c'est quelles sont les normes choisies. Et vous voyez que si on regarde nos différentes lois, on a des lois extrêmement diverses, des dépeçages, qui s'appliquent à notre contrat. La loi de Tartola s'applique à mon contrat international. D'accord ? Et on va avoir là un espace, un mix de lois nationales propres à chaque grand contrat international. Et puis, il y a un troisième axe d'analyse, c'est ce que j'ai appelé les représentations, pour reprendre un concept qui commence à être utilisé par Emmanuel Gaillard, justement, sur l'arbitrage. C'est ce que les acteurs pensent sur leur pratique, construisent des théories des acteurs sur leur pratique. Au fond, c'est peut-être aussi un peu plus proche de la sociologie criminelle de Sutherland, c'est-à-dire ce qui encadre les pratiques. Et au fond, je vais terminer par ça, parce que ça me semble plus intéressant que faire du droit, je vais terminer simplement par ce petit schéma. Ce petit schéma, vous le trouvez, moi je l'utilise hein, dans mes cours, je l'ai trouvé dans le rapport de la Banque mondiale, Puppet Master, qui montre comment les lawyers fraudent le droit international par les techniques que je viens de vous expliquer. Attention, si vous regardez en bas à gauche, c'est la petite note, la source, c'est un membre de la Society of Trust and Estate Practitioners lors d'une conférence aux Caraïbes en 2010 qu'il a présenté. Il montre son boulot. Comment on fait pour protéger les assets, autrement dit, au fond, couper tout lien entre les ordres juridiques et les propriétaires d'une entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'on a donc des pratiques qui sont des représentations des acteurs, des lawyers, qui sont communes et qui vont faire commune à une communauté d'acteurs, qui sont assez diverses d'ailleurs. Moi, c'est une communauté qui est anglo-saxonne, française, africaine, chinoise, mais c'est différent de ce qui se fait au Canada, hein, mais globalement c'est très proche. Et c'est ce troisième niveau d'analyse qui fait le lien entre, d'une part, nos techniques et, d'autre part, nos normes choisies. Et au fond, ce qui permet de repenser des espaces articulés propres à la mondialisation inter-ordre, je pense que c'est l'articulation de ces trois niveaux d'analyse. Alors, ça repose bien évidemment sur un modèle de moi, ce que j'appelle l'espace nordiste, avec toute une construction un petit peu, toute une épistémologie un petit peu cachée, qui me semble peut-être pas forcément intéressante de présenter. Mais ma conclusion, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, pour penser cet objet, il y a un certain nombre de stratégies et de pratiques qui sont essentielles. Il y a celle de l'agent double, c'est-à-dire que le partage des savoirs, d'une part. Mais attention, il y a aussi ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire un deuxième écart, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aussi là, c'est effectivement des pratiques diverses, notamment les pratiques asiatiques qui, moi, je pense, peuvent s'expliquer sans doute plus, par exemple, à travers l'histoire asiatique. Et c'est vrai que cette question que l'histoire juridique du Japon permet de repenser la mondialisation aujourd'hui semble à la fois assez proche de celle de l'Europe du XIIe siècle et en même temps assez éloignée, car ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais ça demande, là encore, un décentrement en nous-mêmes, car je ne suis pas japonais.